Chapitre 84e, une question d'étiquette. La reine n'avait pas fait 10 pas hors du guichet qu'un homme enveloppé d'un carré bleu et le visage caché sous un chapeau de toile cirée lui saisissait convulsivement le bras et l'entraînait vers un remis stationnant au coin de la rue Saint-Nicaise. Cet homme, c'était le comte de Charny. Ce remis, c'était celui où, depuis plus d'une demi-heure, attendait toute la famille royale. On croyait voir arriver la reine consternée, abattue, mourante. Elle arrivait riante et joyeuse. Les dangers courus, la fatigue essuyée, l'erreur commise, le temps perdu, la conséquence que ce retard pouvait avoir, le coup de badine qu'elle venait de donner à la voiture de Lafayette et qu'elle semblait avoir donné à lui-même, lui avait fait oublier tout cela. À 10 pas du remise, un domestique tenait un cheval en main. Charny ne fit qu'indiquer du doigt le cheval à Isidore. Isidore se lança dessus et partit au galop. Il allait d'avance à Bondy afin d'y commander les chevaux. La reine, le voyant partir, lui jeta quelques paroles de remerciement qu'il n'entendit pas. « Allons, madame, allons !» dit Charny, avec cette volonté mêlée de respect que les hommes véritablement forts savent si bien prendre dans les grandes occasions. « Il n'y a pas une seconde à perdre. » La reine entra dans le remise où étaient déjà le roi, madame Élisabeth, madame royale, le dauphin et madame de Tourzel, c'est-à-dire 5 personnes. Elle s'assit au fond, prit le dauphin sur ses genoux. Le roi s'assit près d'elle. Madame Élisabeth, madame royale et madame de Tourzel s'assirent sur le devant. Charny referma la portière, monta sur le siège, et pour dérouter les espions, s'il en existait, il fit tourner les chevaux, remonta la rue Saint-Honoré, prit les boulevards à la Madeleine et les suivit jusqu'à la porte Saint-Martin. La voiture était là, attendant sur un chemin extérieur conduisant à ce que l'on appelait la voirie. Ce chemin était désert. Le comte de Charny sauta bas de son siège et ouvrit la porte du remise. Celle de la grande voiture qui devait servir au voyage était déjà ouverte. Monsieur de Maldenne et Monsieur de Valoris se tenaient aux 2 côtés du marchepied. En un instant, les 6 personnes qui occupaient le carrosse de remise furent sur le chemin. Alors le comte de Charny conduisit ce carrosse sur le bas-côté de la route et le versa dans un fossé. Puis il revint à la grande voiture. Le roi monta le premier, puis la reine, puis Madame Élisabeth. Après Madame Élisabeth, les 2 enfants. Après les 2 enfants, Madame de Tourzel. Monsieur de Maldenne monta derrière la voiture. Monsieur de Valoris s'établit près de Charny sur le siège. La voiture était attelée de 4 chevaux. Un clappement de langue les fit partir au trot. Le conducteur les menait à grande guide. Le quart après 1 heure sonnait à l'église Saint-Laurent. On mit 1 heure pour aller à Bondy. Les chevaux, tout harnachés, prêts à être mis à la voiture, attendaient hors de l'écurie. Isidore attendait près des chevaux. De l'autre côté de la route, stationnait aussi un cabriolet de louage tout attelé de chevaux de poste. Dans ce cabriolet étaient 2 femmes de chambre appartenant au service du dauphin et de Madame Royale. Elles avaient cru trouver une voiture à louer à Bondy, et n'en ayant pas trouvé, elles s'étaient arrangées avec le maître du cabriolet, lequel leur avait vendu sa voiture 1000 francs. Celui-ci, content du marché et voulant voir sans doute ce que devenaient les personnes qui avaient eu la bêtise de lui donner 1000 francs d'un pareil bahut, attendait en buvant à l'hôtel même de la poste. Il vit arriver la voiture du roi conduite par Charny. Charny descendit du siège et s'approcha de la portière. Sous son manteau de cocher, il avait son habit d'uniforme. Dans le coffre du siège était son chapeau. Il était convenu entre le roi, la reine et Charny qu'à Bondy, Charny prendrait dans l'intérieur la place de Madame de Tourzel, qui alors reviendrait seule à Paris. Mais on avait pour ce changement oublié de consulter Madame de Tourzel. Le roi lui soumit la question. Madame de Tourzel, outre son profond dévouement pour la famille royale, était sur la question d'étiquette le pendant de la vieille Madame de Noailles. « Sire, répondit-elle, ma charge est de veiller sur les enfants de France et de ne pas les quitter d'un instant. » À moins d'un ordre express de votre majesté, ordre qui n'aurait point de précédent, je ne les quitterai donc pas. » La reine frémit d'impatience. Une double raison lui faisait désirer d'avoir Charny dans la voiture. Reine, elle y voyait sa sûreté, femme, elle y trouvait sa joie. « Chère madame de Tourzel, dit la reine, nous vous sommes aussi reconnaissants que possible, mais vous êtes souffrante. Vous veniez par une exagération de dévouement. Restez à Bondy, et partout où nous serons, venez nous rejoindre. » « Madame, répondit Madame de Tourzel, que le roi ordonne, je suis prête à descendre et à demeurer, s'il le faut, sur la grande route. Mais un ordre du roi seul peut me faire, non seulement manquer à mon devoir, mais encore renoncé à mon droit. « Sire, dit la reine, sire. » Mais Louis XVI n'osait se prononcer dans cette grave question. Il cherchait un biais, une porte de sortie, une échappatoire. « Monsieur de Charny, dit-il, ne pouvez-vous donc rester sur le siège ?»« Je puis tout ce que voudra le roi, dit monsieur de Charny. « Seulement, je ne dois rester qu'avec mon uniforme d'officier. » Et avec cet uniforme d'officier, on me voit depuis 4 mois sur la route et chacun me reconnaîtra. Ou avec mon carrick et mon chapeau de cocher de remise, et le costume est un peu modeste pour une voiture si élégante. Entrez dans la voiture, monsieur de Charny, entrez, dit la reine. Je prendrai le dauphin sur mes genoux. Madame Élisabeth prendra Marie-Thérèse sur les siens, et cela ira à merveille. Nous serons un peu serrés, voilà tout. Charny attendit la décision du roi. « Impossible, ma chère, dit le roi, songez que nous avons 90 lieues à faire. » Madame de Tourzel se tenait debout, prête à obéir à l'ordre du roi, si le roi lui ordonnait de descendre. Mais le roi n'osait le faire, tant son grand, chez les gens de cour, même les plus petits préjugés. « Monsieur de Charny, dit le roi au comte, ne pouvez-vous prendre la place de monsieur votre frère et courir devant nous pour commander les chevaux ?»« J'ai déjà dit au roi que j'étais prêt à tout. » Seulement, je ferai observer au roi que, d'habitude, les chevaux sont commandés par un courrier, et non par un capitaine de vaisseau. Ce changement, qui étonnera les maîtres de poste, pourrait amener de graves inconvénients. C'est juste, dit le roi. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Murmura la reine au comble de l'impatience, puis se tournant vers Charny. Arrangez-vous comme vous voudrez, monsieur le comte, dit la reine, mais je ne veux pas que vous nous quittiez. C'est aussi mon désir, madame, dit Charny, et je ne vois qu'un moyen pour cela. « Lequel ? Dites vite, fit la reine. C'est qu'au lieu d'entrer dans la voiture, au lieu de monter sur le siège, au lieu de courir devant, je la suive en simple costume d'homme qui court la poste. Partez, madame, et avant que vous ayez fait 10 lieues, je serai à 500 pas de votre voiture. Alors vous retournez à Paris, sans doute, madame, mais jusqu'à Châlons, votre majesté n'a rien à craindre, et avant Châlons, je l'aurai rejointe. Mais comment allez-vous retourner à Paris ? Sur le cheval avec lequel est venu mon frère, madame. C'est un excellent coureur. Il a eu le temps de souffler, et en moins d'une demi-heure, je serai à Paris. Alors, madame, je mettrai un costume convenable, je prendrai un cheval à la poste, et je courrai à Franquetrier jusqu'à ce que je vous aie rejointe. N'y a-t-il point d'autre moyen ? Dit Marie-Antoinette au désespoir. Dame, fit le roi, je n'en vois point. Alors, dit Charny, ne perdons pas de temps. Allons, Jean et François, à votre poste. En avant, Melchior, postillons vos chevaux. Madame de Tourzel, triomphante, se rassit, et la voiture partit au galop, suivie par le cabriolet. L'importance de la discussion avait fait oublier de distribuer au vicomte de Charny, à M. de Valory et à M. de Maldenne, les pistoles tout chargées qui étaient dans la caisse de la voiture. Que se passait-il à Paris, vers lequel le comte de Charny revenait à Franquetrier ? Un perruquier nommé Busby, demeurant rue de Bourbon, avait, dans la soirée, été visiter aux Tuileries un de ses amis qui montait la garde. Cet ami avait fort entendu parler par ses officiers de la fuite qui devait avoir lieu la nuit même à ceux que ceux-ci assuraient. Il en parla donc au perruquier, qui ne sut plus chasser de sa pensée cette idée que ce projet était réel et que cette fuite royale dont on parlait depuis si longtemps s'exécuterait pendant la nuit. Rentré chez lui, il avait raconté à sa femme ce qu'il venait d'apprendre aux Tuileries. Mais celle-ci avait traité la chose de rêve. Ce doute de la perruquière avait influé sur le mari, lequel avait fini par se déshabiller et se coucher sans donner une autre suite à ses soupçons. Mais une fois couché, il avait été repris par sa première préoccupation, et dès lors, elle était devenue si forte qu'il n'avait pas eu le courage d'y résister. Il s'était jeté à bas de son lit, s'était rhabillé, et avait couru chez un de ses amis nommé Huchet, lequel était à la fois boulanger et sapeur du bataillon des Théatins. Là, il avait rapporté tout ce qu'on lui avait dit aux Tuileries et avait, d'une façon si vive, communiqué ses craintes au boulanger à l'endroit de la fuite de la famille royale, que celui-ci, non seulement les avait partagées, mais encore, plus ardent que celui-là de qui il les tenait, avait sauté à bas de son lit et, sans prendre le temps de passer d'autres vêtements qu'un caleçon, était sorti dans la rue et, frappant aux portes, avait réveillé une 30aine de ses voisins. Il était alors environ 1:15, et c'était quelques minutes après que la reine avait rencontré M. de Lafayette sous le guichet des Tuileries. Les citoyens, réveillés par le perruquier Busby et le boulanger Huchet, décidèrent que l'on se rendrait en uniforme de la garde nationale chez M. le général Lafayette, et qu'on le préviendrait de ce qui se passait. Aussitôt prise, la résolution fut exécutée. Monsieur de Lafayette demeurait rue Saint-Honoré, hôtel de Noailles, près des Feuillants. Les patriotes se mirent en route et arrivèrent chez lui vers minuit et demi. Le général, après avoir assisté au coucher du roi, après avoir été prévenir son ami Bailly que le roi était couché, après avoir fait une visite à M. Emery, membre de l'Assemblée nationale, le général venait de rentrer chez lui et s'apprêtait à se déshabiller. En ce moment, on frappa à l'hôtel de Noailles. M. de Lafayette envoya son valet de chambre aux informations. Celui-ci rentra bientôt, disant que c'était 25 ou 30 citoyens qui voulaient parler à l'instant même au général pour affaires de la plus haute importance. Dès cette époque, le général Lafayette avait l'habitude des réceptions à quelque heure que ce fût. D'ailleurs, comme au bout du compte, une affaire pour laquelle se dérangeaient 25 ou 30 citoyens pouvait et même devait être une affaire importante, il ordonna que ceux qui désirent lui parler fussent introduits. Le général n'eut qu'à repasser son habit qu'il venait d'ôter et il se trouva en costume de réception. Alors, les sieurs Busby et Huchet, en leur nom et au nom de leurs compagnons, lui exposèrent leurs craintes. Le sieur Busby les appuyant sur ce qu'il avait entendu dire aux Tuileries, les autres sur ce qu'ils entendaient dire journellement de tous côtés. Mais de toutes ces craintes, le général ne fit que rire. Et comme il était bon prince et fort causeur, il leur raconta d'où venaient tous ces bruits. Comment ils avaient été répandus par Madame de Rocherolles et Monsieur de Gouvion. Comment lui, pour s'assurer de leur fausseté, avait vu se coucher le roi comme eux pour aller voir se coucher lui, Lafayette, s'il restait quelques minutes encore. Enfin, toute cette causerie ne paraissant point suffisante à les rassurer, Monsieur de Lafayette leur dit qu'il répondait du roi et de la famille royale sur sa tête. Il était impossible après cela de manifester un doute. Ils se contentèrent donc de demander à Monsieur de Lafayette le mot d'ordre afin qu'on n'inquiétât point leur retour. Monsieur de Lafayette ne fit pas de difficulté à leur faire ce plaisir et leur donna le mot d'ordre. Cependant, munis du mot d'ordre, ils résolurent de visiter la salle du manège pour savoir s'il n'y avait rien de nouveau de ce côté-là et les cours du château pour voir s'il ne s'y passait rien d'extraordinaire. Ils revenaient le long de la rue Saint-Honoré et allaient s'engager dans la rue de l'Échelle lorsqu'un cavalier lancé au galop vint donner au milieu d'eux. Comme en une pareille nuit tout était événement, ils croisèrent leurs fusils, criant au cavalier d'arrêter. Le cavalier s'arrêta. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Nous voulons savoir où vous allez, » dirent les gardes nationaux. « Je vais aux Tuileries. »« Qu'allez-vous faire aux Tuileries ?»« Rendre compte au roi d'une mission dont il m'a chargé. À cette heure-ci, sans doute, à cette heure-ci. » Un des plus malins fit signe aux autres de laisser faire. « Mais à cette heure-ci, » répéta-t-il, « le roi est couché. »« Oui, » répondit le cavalier, « mais on le réveillera. » « Si vous avez affaire au roi, » reprit le même homme, « vous devez avoir le mot d'ordre. » « Ce ne serait pas une raison, » observa le cavalier, « attendu que je pourrais arriver de la frontière, au lieu d'arriver tout simplement de 3 lieues d'ici, et être parti il y a 1 mois, au lieu d'être parti il y a 2 heures. « C'est juste, » dirent les gardes nationaux. « Alors, vous avez vu le roi il y a 2 heures ?» continua l'interrogateur. « Oui. » « Vous lui avez parlé ?»« Oui. » « Qu'allait-il faire il y a 2 heures ?»« Il n'attendait que la sortie du général Lafayette pour se coucher. »« De sorte que vous avez le mot d'ordre, sans doute. » Le général, sachant que je devais rentrer aux Tuileries, vers 1 heure ou 2 heures du matin, me l'avait donné, afin que je n'éprouvasse point de retard. Et ce mot d'ordre, Paris et Poitiers. « Allons, » dirent les gardes nationaux, « c'est bien cela. Bon retour, camarades, et dites au roi que vous nous avez trouvés veillant à la porte du château de peur qu'il ne se sauve. » Ils s'écartèrent devant le cavalier. « Je n'y manquerai pas, » répondit celui-ci. Et piquant son cheval des deux, il s'élança sur le guichet des Tuileries, où il disparut. « Si nous attendions qu'il sortît des Tuileries pour savoir s'il a vu le roi, » dit un des gardes nationaux. « Mais s'il loge aux Tuileries, » dit un autre, « nous attendrons donc jusqu'à demain. »« C'est juste, » dit le premier. « Et ma foi, puisque le roi est couché, puisque M. Lafayette se couche, allons nous coucher à notre tour et vive la nation !» Les 25 ou 30 patriotes répétèrent en chœur le cri de « Vive la nation !» et allèrent se coucher, heureux et fiers, d'avoir appris de la bouche même de Lafayette qu'il n'y avait point à craindre que le roi quittât Paris.